Vous écoutez Rage et vous êtes les bienvenus dans Exocet, l'émission qui vous administra 3 années durant votre dose hebdomadaire d'étranges et d'insolites et qui s'apprête à le faire une dernière fois ce soir. Pour clore cette aventure radiophonique, il fallait bien une émission exceptionnelle. Pendant 2 heures, Thomas et moi-même allons vous dévoiler le classement des 20 meilleures histoires d'Exocet, celles que vous avez choisies en votant sur le blog de l'émission. Une bonne occasion de découvrir ou redécouvrir des histoires aussi étonnantes que les visages de Belmez, les radios de nombre, l'expérience de la prison de Stanford, et j'en passe, c'est Exocet, et vous entrez pour la dernière fois dans la face cachée du monde. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Alors vous l'avez compris, cette émission est spéciale puisque ça va durer 2 heures, 2 heures durant lesquelles on va vous raconter, vous rappeler ou vous faire découvrir donc 20 histoires qui ont marqué l'histoire de cette émission. Alors c'est un classement auquel vous avez participé hein, sur le blog d'Exocet, exocet-rage.net, et 20 émissions se sont distinguées du lot. Et on va commencer par la numéro 20, l'expérience de Milgram. Alors en 1961, Stanley Milgram, qui est psychologue à l'université de Yale, se pose une question. La seule force de l'obéissance peut-elle pousser un peuple à en éliminer un autre? Si les soldats américains avaient reçu les mêmes ordres que les nazis, l'Holocauste se serait-il produit aux États-Unis? Alors pour éprouver cette hypothèse, Milgram va se lancer dans une série d'expériences et tout commence par une petite annonce publiée par voie de presse qui dit « Laboratoire de l'université X recherche volontaire pour participer à une expérience sur la mémoire ». Lorsqu'un volontaire se présente au laboratoire, on lui explique qu'il tombe bien car un autre volontaire est déjà arrivé juste avant lui. Le laboratoire a justement besoin de 2 personnes, une pour jouer le rôle du prof et l'autre pour jouer le rôle de l'élève. Milgram les convoque et leur explique qu'ils vont participer à une expérience destinée à vérifier les effets de la punition sur l'apprentissage et la mémoire. Le rôle du prof est simple, il suffit de lire à l'élève une liste de 50 paires de mots du genre le ciel gris, le chien jaune, le chat vert, etc. L'élève devra mémoriser les associations de mots et ensuite répondre correctement aux questions du professeur. Si le professeur dit « le nuage », l'élève devra répondre « noir ». En cas d'erreur, le professeur devra administrer à l'élève une punition sous la forme d'une petite décharge électrique. Alors le voltage des décharges augmente avec le nombre d'erreurs. On procède à un faux tirage au sort et on demande à la personne qui s'est présentée de jouer le rôle du prof. En fait, vous l'aurez compris, celui qui doit jouer le rôle de l'élève est un complice de Milgram, car le but réel de l'expérience est d'étudier la soumission à l'autorité et non les effets de la punition sur la mémoire. On installe donc l'élève sur une fausse chaise électrique, mais le professeur n'en sait rien, il pense que tout est réel, et l'élève qui est un acteur fait mine de s'inquiéter quand on l'attache sur la chaise électrique. Il demande si les chocs d'ailleurs risquent de lui faire mal, on lui répond que la douleur sera supportable, mais que c'est nécessaire pour le bon déroulement de l'expérience. On fait alors passer le professeur derrière un pupitre qui comporte des curseurs gradués de 25 volts en 25 volts avec des petits panneaux sur lesquels on peut lire choc léger, choc moyen, choc violent jusqu'à choc fatal. Milgram représente l'autorité scientifique et il demande alors au professeur, entre guillemets, de commencer la lecture des associations de mots. Une fois que la liste a été mémorisée par l'élève, le professeur commence à poser les questions. Évidemment, à partir du moment où l'élève se trompe, et Milgram, qui supervise l'expérience, demande donc au professeur d'administrer la punition à l'élève, au départ 25 volts, mais au fur et à mesure des nombreuses erreurs de l'élève, les décharges qui deviennent de plus en plus fortes commencent à faire crier littéralement l'élève de douleur. Il veut savoir jusqu'où celui qui joue le rôle du prof va accepter de torturer un inconnu sous le seul prétexte qu'une autorité scientifique lui en donne l'ordre. L'élève va alors supplier le prof d'arrêter l'expérience, tandis que l'expérimentateur va lui ordonner de continuer. Même lorsque l'élève simulera le coma, ce qui est quand même absolument incroyable, Milgram ordonnera d'assimiler cela à une mauvaise réponse, donc l'absence de réponse, hein, une mauvaise réponse, et demandera au professeur de continuer l'expérience. Le prof devra faire un choix, désobéir à l'autorité ou continuer jusqu'à la mort de l'élève. Les résultats sont absolument sidérants. Sur 40 personnes testées, à tout niveau social confondu, 67% des professeurs ont été jusqu'à la mort de l'élève. Voilà. Alors il faut savoir que l'expérience de 1000 grammes a été répétée à de nombreuses reprises dans différents pays sur plusieurs années, et systématiquement les résultats sont similaires. Donc c'est une expérience qui dresse un portrait très sombre de la nature humaine et qui peut expliquer beaucoup de choses, le tout bien évidemment, et d'en avoir conscience pour essayer de faire changer les choses. C'était l'expérience de 1000 grammes numéro 20, histoire numéro 19, hein, l'histoire que vous avez classée numéro 19 dans ce top 20. C'est l'histoire des vrais Frankenstein, une histoire d'expérience là aussi, qui démarre en 1780 avec un certain Luigi Galvani, qui est un professeur d'anatomie italien, et qui découvre qu'une étincelle d'électricité peut faire bouger les membres d'une grenouille morte. Alors, évidemment, quand il écrit les résultats de son expérience, la nouvelle fait grand bruit, en Europe en particulier. On pense que Galvani a carrément trouvé le secret de la vie. Alors, d'autres scientifiques se lassent des grenouilles et veulent aller plus loin. Ainsi, le propre neveu de Galvani, qui s'appelle Giovanni Aldini, décide carrément de réanimer des corps humains. Il se lance dans une tournée européenne de ce qu'on peut appeler de la science spectacle. Et la démonstration la plus célèbre d'Aldini se déroule donc le 17 janvier 1803 à Londres, devant un parterre de médecins et de chirurgiens. Il utilise le corps de George Forster, qui est un homme de 26 ans, qui venait d'être exécuté pour le meurtre de sa femme. Aldini attache des parties du cadavre à une grosse pile en zinc. Il commence par le visage, puis il connecte les bras, les jambes. Pour le grand final, il fait traverser l'électricité de sa tête à son rectum et le corps se tortille dans une espèce de danse grotesque et macabre. Et le 4 novembre 1818, une démonstration encore plus spectaculaire est menée à Glasgow par le chimiste Andrew Ure. Lui, il connecte le corps d'un autre condamné à une pile deux fois plus puissante. Il branche un câble à un nerf frontal, un autre à la cheville, et le corps se convulse alors dans des positions absolument atroces. Certains spectateurs vont jusqu'à s'évanouir, et d'autres s'enfuient, effrayés par le spectacle. Aldini et Ure pensaient réellement que l'électricité pouvait donner davantage qu'un macabre spectacle de marionnettes. Ils étaient persuadés de pouvoir restaurer la vie, et ce but justifiait leurs expériences atroces. Marie Shelley raconte d'ailleurs qu'elle a eu l'idée de Frankenstein en discutant des expériences de Galvani. Alors, d'autres scientifiques ont voulu triompher de la mort. L'un des plus connus fut Robert Cornish. Donc c'était un enfant surdoué. En 1932, alors âgé de 27 ans, il se met en tête qu'il parviendra à ressusciter les morts, hein, comme le baron Victor Frankenstein dans le roman. Et au cœur de son projet, il y avait une planche à bascule. Donc il pensait pouvoir faire circuler artificiellement le sang des morts en les attachant à la planche. En 1932, il essaye de ressusciter plusieurs personnes, mais sans aucun succès. Et en 1934, il commence une série de démonstrations publiques en essayant de réanimer 4 chiens. Donc en 1928, il faut savoir que le savant russe Sergei Broukhonenko avait conservé des têtes de chiens vivantes pendant plus de 3 heures à l'aide d'un anticoagulant et d'une pompe qui simulait la circulation sanguine. Mais Cornish s'attaque à l'animal entier. D'abord, il tue les chiens avec une injection chimique. Et ensuite, il essaye de les ramener à la vie avec une combinaison de bascule, de bouche à bouche et de piqûres d'adrénaline. Et la chose incroyable, les chiens sont ranimés. Les deux premiers restent en vie quelques heures avant de succomber à nouveau, mais les deux autres survivent plusieurs mois. Évidemment, le problème, c'est qu'ils étaient aveugles, ils souffraient de lésions cérébrales profondes, et on dit aussi que les autres chiens les fuyaient, hein, comme s'ils avaient affaire à des zombies. Alors Cornish devient une figure populaire, notamment à Hollywood, où des films furent inspirés par lui. Avec son allure ténébreuse et son strabisme divergent, il collait exactement à l'idée qu'on se faisait d'un savant fou. Histoire numéro 18, dans le classement de ses meilleures histoires d'Exocet, le sanatorium de Waverly Hills. Ça démarre au début du XXe siècle, dans la ville de Louisville, dans le Kentucky. Cette ville avait le plus grand nombre de tuberculeux de tout l'État, et en 1910, pour essayer de contenir l'épidémie, on fait construire un hôpital de 2 étages avec 40 lits sur la colline la plus élevée de la ville. Mais comme les cas se multiplient, il faut construire un bâtiment plus important, et après avoir recueilli 11 millions de dollars, Louisville érige un nouvel hôpital en 1924, baptisé Waverly Hills. Alors l'hôpital est considéré comme un des plus avancés d'Amérique, le meilleur endroit pour suivre un traitement, mais les traitements étaient assez primaires, on n'avait pas de vrai remède contre la tuberculose, et la plupart des patients venaient à Waverly Hills pour mourir. Alors on estime que plusieurs dizaines de milliers de personnes y ont vu leur dernier jour. Les patients étaient soumis à diverses expérimentations assez douloureuses, hein, on leur implantait des ballons dans les poumons pour essayer de les dilater davantage, souvent avec des résultats assez désastreux. Il y avait aussi la thoracoplastie qui consistait à scier les côtes pour que les poumons aient plus d'espace. Hein, c'était utilisé en dernier recours car 5% des patients seulement y survivaient. On plaçait aussi les mourants sur les toits et face aux fenêtres ouvertes, été comme hiver, en pensant que l'air frais les aiderait. Alors des familles entières venaient vivre à Waverly Hills. Certains guérissaient, mais la plupart quittaient l'hôpital à travers le fameux tunnel de la mort. C'était un long tunnel incliné qui passait sous l'hôpital, équipé de rails et de câbles pour acheminer les morts jusqu'à une voie ferrée au pied de la colline. Grâce à ce tunnel, les patients ne voyaient pas le nombre de morts qui quittaient l'hôpital, c'était l'avantage, puisque donc ça aurait pu les affecter assez sérieusement sur le plan moral. Dans les années 50, la tuberculose est éradiquée grâce à la streptomycine, c'est un médicament qui est découvert par le professeur Albert Schatz, et l'hôpital de Waverly Hills est fermé en 1961, un établissement pour tuberculeux n'étant plus nécessaire évidemment, étant donné qu'on a trouvé un remède. Mais les portes de l'établissement rouvrent l'année d'après, avec pour nom Sanatorium Gériatrique de Woodhaven durant les années 60 et 70. Des rumeurs de mauvais traitements se mettent à circuler, de conditions atroces et d'expériences inhabituelles. Certaines de ces rumeurs sont prouvées et l'hôpital ferme ses portes définitivement en 1982. Alors, avec les années, des histoires ont commencé à circuler, bien évidemment. Des visiteurs ont entendu des voix, des hurlements, des pleurs. Beaucoup de témoignages mentionnent des ombres qui se déplacent à travers les pièces. Des boules de lumière et des silhouettes apparaissent sur certaines photos. Il y aurait des endroits plus hantés que d'autres, parmi lesquels la chambre 502, qui est devenue un véritable mythe dans la région. En 1928, une infirmière nommée Marie Hillenburg se serait pendue au plafond de la chambre 502. Et en 1932, une autre infirmière se serait jetée par la fenêtre de la même chambre sans aucune explication. Alors pour revenir au tunnel de la mort, il est réputé pour les voix qu'on peut y entendre et les apparitions que certains ont rapportées. Beaucoup de visiteurs en effet parlent d'une petite fille qu'ils ont pu voir, donc une petite fille qui joue avec une vieille balle en cuir et qu'on entend rebondir sur le plancher parfois. La petite fille est baptisée Marie à cause d'une photo trouvée dans les décombres. Elle aurait un visage sans yeux, encore une fois selon les témoins qu'il aurait vu. Une autre apparition qui est fréquemment rapportée, c'est celle d'une vieille femme avec les mains attachées qui court dans l'entrée principale du bâtiment en suppliant qu'on vienne à son aide. De nombreux documentaires ont été tournés à Waverly Hills et même un film, Le vieil hôpital abandonné, est considéré aujourd'hui comme un des endroits les plus hantés d'Amérique. Voilà pour les trois premières histoires du classement. On marque une pause musicale et juste après, Thomas vous parlera de l'exorcisme d'Alice Michel, qui est donc le cas numéro 17. I'm Les Ossettes, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Exocet, la dernière émission spéciale de 2 heures, émission dans laquelle on vous dévoile le top 20 des meilleures histoires de l'histoire de cette émission, hein, depuis les 3 dernières années. Alors, c'est au tour de Thomas à présent de vous parler de l'histoire qui a été classée numéro 17 dans ce top 20, l'exorcisme d'Anne-Lise Michel. Oui, donc l'histoire numéro 17, effectivement, qui a également inspiré un film, puisque l'exorcisme d'Emily Rose découle directement de cette histoire vraie, et c'est ça qui est assez troublant. Alors, quand on avait abordé le sujet la première fois, on avait eu la chance de pouvoir diffuser à l'antenne à ce moment-là des moments de cet exorcisme. Ce soir, on le fera pas parce qu'on a beaucoup moins de temps sur chaque sujet, mais je vous invite en tout cas, si le sujet vous intéresse particulièrement, à aller chercher sur YouTube, ou en tout cas même de toute façon Google, et vous allez tomber sur des séquences vraiment troublantes où on entend donc cet exorcisme qui fait vraiment froid dans le dos. Franchement, le film L'Exorciste à côté, c'est rien du tout, surtout quand on sait que c'est la réalité. Alors, Anne-Lise Michel, en fait, était une fille relativement normale. Elle est née en 1952. Elle a eu un parcours assez classique jusqu'en mai 68, où du jour au lendemain, elle a commencé à avoir des tremblements et à ne plus pouvoir maîtriser son corps. Donc elle avait des sortes de convulsions qui s'apparentaient un petit peu, je dirais, à des sortes de crises d'hystérie. En tout cas, beaucoup de médecins de l'époque ont pensé que c'était des crises de ce type-là. Mais il y avait quand même des choses assez étonnantes, parce que pendant ces crises, elle perdait sa voix et elle ne pouvait plus appeler à l'aide. Donc ça lui arrivait par exemple de temps en temps d'être dans sa chambre et d'un coup perdre le contrôle de tous ses membres, ne plus pouvoir rien contrôler de son corps et ne même pas pouvoir crier pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne à côté. Ça devait être des situations relativement angoissantes. Alors, au fur et à mesure que les médecins sont passés, le diagnostic a quand même fini par tomber. Pour beaucoup, pour la grande majorité, il s'agissait tout simplement de crises d'épilepsie qui devaient être soignées. Mais les témoignages d'Anne-Lise Michel étaient quand même assez étonnants, puisque elle évoquait par exemple le fait que quand elle était en train de prier le soir, donc pendant ses prières, elle n'arrêtait pas de voir des sortes de têtes démoniaques apparaître un petit peu partout dans son environnement visuel, des têtes démoniaques qui en plus ricanaient un petit peu comme si ses prières étaient vaines et qu'elles mèneraient à rien. Donc Anne-Lise Michel était quand même assez aux prises avec ce genre de manifestation. Et puis, en 1973, c'est la première demande par la famille d'un exorcisme. Et là, à leur étonnement, c'est un refus pour la simple et bonne raison que, selon l'Église, elle ne remplissait pas les conditions d'un être possédé. Par exemple, elle ne parlait pas de langue étrangère, ou elle n'avait pas, étrangère à sa connaissance, et elle n'avait pas de pouvoir surnaturel. Et finalement, en 1975, l'acceptation de l'Église va se faire pour un exorcisme basé sur le rituel romain. Donc, parce qu'ils ont plusieurs rituels, c'est très spécifique. Et pendant cette période, Anne-Lise ne mangeait plus du tout, elle s'amusait à détruire des crucifix, tous les crucifix qui lui passaient sous la main, elle arrachait les peintures représentant Jésus, etc. Et elle dormait par terre, bref, elle était vraiment dans un état très étonnant. Et là, les exorcismes vont se lancer, et pendant cet exorcisme, ce premier exorcisme, on va découvrir plusieurs personnages, entre guillemets, cachés qu'elle aurait eu en elle. Alors, la liste fait froid dans le dos, elle aurait été possédée donc succinctement, ou en tout cas même en même temps, par Lucifer, Judas, Néron, Hitler, plus des dizaines et des dizaines d'autres âmes damnées qui se manifestaient à travers elle, un petit peu comme si elle avait été un vecteur pour toutes les âmes déchirées qui circulaient comme ça dans son environnement proche. Et donc voilà, elle a eu de nombreux personnages. Là, elle a commencé à parler justement des langues étrangères à sa connaissance. Il y a notamment un enregistrement où on entend Lucifer discuter avec un autre être et en train de dire « Mais non, mais c'est pas moi qui partirai le premier, ça sera toi, je quitterai pas Anne-Lise avant sa mort, machin. » Il y a des esprits qui se battaient littéralement pour posséder... À l'intérieur d'elle-même, et donc qui utilisaient sa voix pour discuter entre eux. Donc c'est des enregistrements très troublants. Et puis elle va quand même finir par reprendre une vie normale, mais toujours avec des attaques, notamment des attaques où elle va faire plus de 600 génuflexions qui vont lui causer des ruptures du genou. Et donc de tout ça, évidemment, on a des enregistrements. Et puis le dernier exorcisme va avoir lieu le 30 juin 76. Elle va tout simplement mourir d'épuisement ce soir-là. Et bizarrement, les deux prêtres en tout cas et les parents vont être condamnés à 6 mois de prison pour négligence ayant entraîné la mort, car pour les juges, elle était épileptique, il suffisait de la soigner, malgré justement ce fameux enregistrement que les prêtres ont diffusé au tribunal, où on entend clairement donc deux voix sortir du corps d'Anne-Lise et deux voix pas de fillette, on est bien d'accord, donc sortir du corps d'Anne-Lise et se disputer pour son corps. Eh bien, merci Thomas, on passe à l'histoire numéro 16, les capsules temporelles. Voilà, alors les capsules temporelles, c'est votre 16e choix. Alors, le sujet est très intéressant. Il faut savoir déjà que les capsules temporelles existent depuis toujours. En fait, même la première référence à une capsule temporelle, elle sort du livre qui est l'épopée de Gilgamesh, qui est en fait une des premières œuvres littéraires du monde, hein, tout simplement, voilà, et dans laquelle il y a une instruction très claire permettant de trouver l'emplacement d'une capsule enterrée, qui a été déterrée d'ailleurs, dans laquelle il n'y avait pas un contenu mirobolant, mais voilà, donc ça a été la première vraie capsule temporelle. Et puis ensuite, la capsule temporelle a connu plusieurs variantes. Alors, il y a eu des capsules temporelles que je qualifierais de modernes, qui ont été enterrés par exemple lors de célébrations ou d'événements particuliers comme des expos universelles par exemple. Ça s'est fait beaucoup pendant les expos universelles d'enterrer, pendant la commémoration d'une ville où les gens ont été invités à déposer des objets dans une capsule qui a été enterrée au centre de la ville et qui sera déterrée dans X années. Ça s'est fait beaucoup, ça aussi, particulièrement aux États-Unis. Il y a eu même des capsules publicitaires. Par exemple, Intel a créé sa propre capsule qui devrait ouvrir en 2018, où ils ont mis les premiers processeurs qu'ils ont créés, et donc ça va être ouvert pour l'anniversaire de la société. Et puis, il y a aussi des capsules temporelles scientifiques. On pense par exemple notamment aux plaques de Pionnier, donc c'est ces fameuses plaques gravées qui ont été envoyées dans l'espace dans l'espoir qu'une civilisation extraterrestre tombe sur cet objet, tout simplement. Donc une chance sur je sais pas combien de milliards, mais ça doit pas être lourd. Donc ça, c'est des véritables projets scientifiques. Et puis, il y a aussi maintenant des projets mi-scientifiques, mi-citoyens, je dirais, comme par exemple le projet KEO, qui est en fait un lancement prévu en 2010 pour un retour sur Terre dans 50 000 ans. Et donc, cette capsule temporelle contient des messages de milliers et de milliers d'internautes qui les ont déposés au fur et à mesure des années. Et donc, cette capsule va partir dans l'espace et revenir dans 50 000 ans et sera un témoignage, en fait, de notre vie d'aujourd'hui, faite par les citoyens actuels. Y a aussi la crypte de la civilisation. Oui, tout à fait. Voilà, donc qui est considérée comme la première capsule temporelle moderne. Donc elle se trouve à l'université d'Oglethorpe à Atlanta. Et donc elle a été créée en 1936. Elle est programmée pour être ouverte en 8113. Donc c'est un projet à très long terme. Elle contient des centaines d'objets, des microfilms notamment. Donc forcément des objets représentatifs de la technologie de l'époque où ils ont été enterrés. Et on peut trouver dans cette crypte plus de 800 livres, des enregistrements audio d'hommes politiques, des films. La pièce fait 6 mètres sur 3 avec un plafond de 3 mètres, elle est scellée. Et donc il y a pas mal de projets comme cela dont l'ouverture est prévue dans des siècles, des millénaires pour les archéologues du futur. Alors reste pas moins n'empêche que pour les scientifiques, les capsules temporelles sont quand même plutôt des objets amusants. Pour la plupart, mis à part une catastrophe mondiale qui ferait disparaître une civilisation, et encore les autres civilisations pourraient en témoigner, la capsule temporelle n'a plus vraiment d'intérêt dans le sens où effectivement les historiens vont continuer leur travail et les témoignages apportés par ces capsules seront certes des plus mais seront pas forcément nécessaires. Donc voilà, le regard des scientifiques sur les capsules temporelles est plutôt amusé, on va dire. Alors l'histoire, c'est pas encore terminé, encore une capsule. Non, je voulais enchaîner avec l'histoire numéro 15. L'histoire, voilà, que vous avez classée, numéro 15 du top, c'est l'expérience de la prison de Stanford. Exactement, alors l'expérience de la prison de Stanford, un petit peu comme l'expérience de Milgram, fait partie de ces expériences psychologiques osées, on va dire. Alors là, c'était tout simplement l'étude de la psychologie expérimentale, qui a été donc menée par Philippe Zimbardo en 1971, en fait sur les effets de la conditions carcérales. Alors, le projet a été mené tout simplement sur des étudiants. Donc, en gros, une annonce a été passée dans un journal pour les recruter. Évidemment, la véritable mission du projet n'a pas été révélée dans l'annonce, mais ils étaient payés relativement raisonnablement, une quinzaine de dollars par jour pour cette mission. Ça équivaut aujourd'hui à 75 dollars, voilà, par jour. Donc ils ont été sélectionnés un petit peu sur le volet. Et puis dès le début, ils ont été mis dans l'ambiance, puisque le but donc de cette expérience était de diviser les deux groupes en prisonniers et en gardien de prison. Et dès le début, donc, ceux qui avaient été sélectionnés pour devenir des prisonniers n'ont pas été ramenés dans l'expérience de façon, je dirais, tout à fait normale. Ils ont été enlevés dans la rue par des vrais faux policiers qui les ont accostés, les ont accusés d'avoir commis un délit imaginaire, les ont embarqués avec eux et les ont ramenés dans cette fausse vraie prison aussi, où évidemment la technologie était bien présente puisque la prison était bardée de caméras, de micros pour pouvoir surveiller de loin les réactions des prisonniers par rapport donc aux surveillants et inversement. Alors ce qui est intéressant quand même dans cette expérience, c'est que prisonniers comme surveillants sont des gens de tous les jours, donc ce ne sont pas des vrais surveillants de prison, ce ne sont pas des vrais prisonniers. Et justement, on a essayé de voir si des gens entre guillemets normaux, qui ne vivent pas dans cette situation, peuvent dévier et avoir le même comportement que ceux qui vivent réellement dans les milieux carcéraux. Et là, l'expérience a été franchement très troublante, puisque au bout de quelques jours, et au bout de quelques jours, c'est 2 ou 3 jours, les choses ont littéralement dégénéré, puisque à terme, de toute façon, l'expérience a duré moins d'une semaine. Ils ont été obligés de l'arrêter parce que ça allait beaucoup trop loin. Et on va vite comprendre pourquoi, parce qu'effectivement, ceux qui ont eu le rôle de gardien de prison se sont investis vraiment à fond dans le truc, ont senti qu'ils avaient limite une mission derrière ça, et ont commencé à limite maltraiter les gens qui étaient sous leur surveillance. Alors ils ont procédé à différentes formes de torture, soit de l'isolation, soit de la privation de nourriture, ils ont essayé de retourner les prisonniers les uns contre les autres en mettant en place des systèmes de boucs émissaires. Donc même les prisonniers entre eux ont commencé à se bagarrer puisque les gardiens avaient établi que telle personne était responsable de tel acte et que donc tout le monde allait être puni parce que telle personne s'était rebellée. Donc il y a eu vraiment une mise en scène assez horrible in fine et des réactions plutôt étonnantes qui sont allées très loin. Donc on pense notamment au cas d'un des jeunes hommes qui s'est retrouvé enfermé par ses geôliers pendant plus d'un jour et demi dans un placard, parce qu'il faut savoir donc que la prison n'était pas une vraie prison, c'était aménagé avec des fausses cloisons, hein, donc ils n'ont pas utilisé un vrai milieu carcéral, donc ils n'avaient pas de... Enfin, ils n'ont même pas pensé au moment de la création de l'expérience qu'il fallait un quartier d'isolement pour ceux qui allaient dévier, donc ça n'existait pas. Donc il a été enfermé dans un placard à balai pendant un jour et demi, obligé de tenir à moitié debout, sans être nourri, et quand il est sorti, ils l'ont ramené à moitié nu devant les autres prisonniers, ils l'ont désigné comme le vilain petit canard. Et ce prisonnier a failli littéralement quasiment y laisser sa vie puisque les autres prisonniers lui sont tombés dessus. Enfin, il y a vraiment eu des groupuscules qui se sont formés, ceux qui pensaient qu'il fallait réellement se rebeller, ceux qui pensaient qu'il fallait jouer le rôle jusqu'au bout et rentrer dans le jeu des gardiens. Bref, on s'est retrouvé dans une situation qui ressemblait en fait tout à fait au milieu carcéral. Et pour le coup, ce qui est horrible, c'est qu'effectivement, on se rend compte que peu importe, enfin en tout cas, c'est ce que prouve cette expérience, ou ce qu'a tenté de prouver cette expérience, c'est que peu importe les gens qu'on enferme, et peu importe les gens qui surveillent, bizarrement, on arrive toujours à la même situation, c'est-à-dire que celui qui a l'autorité sur l'autre fait tout pour l'humilier et le démolir, même au-delà de ses prérogatives. Voilà, on est obligé de penser évidemment à la télé-réalité moderne, hein, qui a probablement puisé son inspiration dans l'expérience de Stanford. Voilà, c'était l'histoire classée 15 dans le top. On marque une pause musicale et juste après, je vous dévoilerai quelle est l'histoire que vous avez classée numéro 14. Restez avec nous. Prise 7, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Vous écoutez Rage, c'est la dernière d'Exo 7, émission spéciale, émission marathon de 2 heures dans laquelle on vous dévoile les 20 meilleures émissions depuis 3 années d'existence déjà. Cette sélection a été choisie par vous, vous avez voté pour vos 20 histoires préférées et l'histoire numéro 14, c'est celle de Rennes le Château. Alors les habitués de l'émission bien évidemment connaissent cette histoire très bien. Ça démarre en 1885 quand un jeune abbé du nom de Béranger Saunière prend possession de la paroisse de Rennes-le-Château, qui est un petit village proche de Carcassonne. Il y trouve une église dans un état de délabrement assez avancé, pareil pour le presbytère où il devait vivre. Et en 1886, Saunière commence les travaux les plus urgents dans l'église, car il pleut sur les fidèles pendant les intempéries, donc évidemment ça fait des ordres. Alors l'abbé, à ce moment-là, décide de changer le vieil autel de l'église grâce à des dons. Et le 27 juillet 1887, un événement déterminant dans cette histoire se produit. En effet, en démontant l'autel, les deux ouvriers que Béranger Saunière a embauchés découvrent des rouleaux de bois scellés à la cire dans un des piliers. L'abbé les garde avec lui. Et il trouve des parchemins à l'intérieur. Alors peu après cette découverte, Saunière fait soulever par ses ouvriers une dalle située en face de l'autel. Et sous la dalle, il y avait un bas-relief qui est aujourd'hui observable au musée du village. Car si vous allez donc dans la région de Carcassonne et que donc vous voulez voir Rennes-le-Château, l'église de Rennes-le-Château en vrai, sachez qu'il y a un musée. Et donc vous pourrez voir cette dalle, ce bas-relief et une marmite enfoncée dans le sol. C'est ce qu'il découvre, l'abbé Saunière, une marmite remplie de pièces d'or. Et il dit aux ouvriers que ce sont sans doute des médailles sans valeur, puis leur demande de partir. Alors à partir de 1891, Béranger Saunière se met à dépenser sans compter. Il commence la création de jardins très fastueux, il découvre un tombeau dans l'église. Et en 1892, le maire se plaint des agissements de l'abbé et de sa servante Marie Desnarnaud. La nuit venue, ils se mettent à déplacer des tombes dans le cimetière du village, ils vont jusqu'à les ouvrir et ils jettent les os dans un ossuaire que Saunière a fait construire spécialement. Alors il s'acharne d'ailleurs sur une tombe en particulier dont il va effacer des inscriptions à coups de burin, celle de la dame de Nègre d'Able, on ne saura pas pourquoi. Alors en 1896, l'abbé fait refaire entièrement l'église, il la remplit de statues et de bas-reliefs, il dissimule dans la décoration des éléments étonnants comme des indices, comme s'il avait un secret lourd à porter et qu'il voulait donc le partager. En 1898, il commence la construction de la Villa Bethany, qui est une luxueuse demeure de type Renaissance, et de la Tour Magdala, qui est une tour néo-gothique, dans laquelle l'abbé Saunière mettra en place une bibliothèque remplie d'ouvrages rares. Il fait également construire une serre qui abrite les plantes les plus rares de la région. Il peuple ses jardins d'animaux exotiques, il achète même un singe, donc ce petit jardin de ce petit village devient une espèce d'Éden assez surréaliste. Et en décembre 1901, le nouvel évêque de Carcassonne décide d'enquêter sur le train de vie incroyable de l'abbé Saunière. Il décide de muter Saunière dans une autre paroisse, mais devant le mécontentement des habitants de Rennes-le-Château, le maire signe un bail de location de 99 ans à Saunière qui empêche quiconque d'occuper le presbytère à sa place. Le 1er février 1909, Saunière donne sa démission et en 1910, il est accusé de trafic de messe et il n'a plus le droit de pratiquer les sacrements de l'église. Alors en janvier 1917, il est victime d'une attaque en haut de la tour Magdala et comme il sent qu'il va mourir, il demande un prêtre, c'est l'abbé Rivière qui se rend à son chevet. Alors on dit qu'ils sont restés plusieurs heures ensemble et que l'abbé Rivière n'a pas voulu donner les derniers sacrements à Béranger Saunière, ce qui suppose donc un acte assez grave. Et de plus, à partir de ce jour-là, Rivière devient un homme triste, comme s'il portait le poids d'une terrible confession. Donc forcément, ça alimente encore la légende. L'abbé Saunière est mort le 22 janvier 1917. On n'a jamais su comment il avait pu mener une vie aussi fastueuse, ni ce qu'il avait d'ailleurs réellement découvert. Marie Desnarnaud, sa servante, disait « Avec ce que l'abbé a laissé, le village pourrait vivre pendant 100 ans et il en resterait. » Malheureusement, elle est morte elle aussi, sans jamais avoir dévoilé le secret de Rennes-le-Château. Et l'histoire qui suit juste après, la 13e, votre 13e choix, est une histoire particulièrement intéressante, moi qui me plaît en tout cas beaucoup, l'histoire des visages de Belmez. Ah, effectivement, c'est aussi une de mes petites favorites, donc bon, elle atteint que la 13e place, mais bon, c'est déjà honorable. C'est donc le cas des visages de Belmez, hein, qui est considéré par certains comme le phénomène paranormal le mieux documenté et le plus important du 20e siècle. Alors ça démarre le 23 août 1971 dans le petit village espagnol de Belmez. Maria Gomez Pereira remarque une tache étrange qui s'est formée sur le sol de sa cuisine. C'est un visage humain. Alors le mari de Maria détruit ce visage avec une pioche et recoule du ciment avec l'aide de son fils Miguel. Mais le 8 septembre, un autre visage apparaît au même endroit. Cette fois, le maire est mis au courant et la portion de ciment est découpée pour être étudiée. Alors les visages continuent à apparaître et des fouilles sont effectuées sous le sol de la cuisine et là on découvre des ossements datant du XIIIe siècle, dont deux corps sans tête. Alors les squelettes sont inhumés dans un cimetière catholique, on refait le sol de la cuisine à neuf, mais très vite les visages reviennent, plus nombreux et parfois dotés de troncs et même de mains. Le phénomène se poursuit. L'histoire commence à se répandre, des journalistes viennent sur place, des équipes de télévision. Très vite, la foule se presse dans la petite maison des Pereira. Certains prétendent qu'ils ont vu des visages se former devant eux. On remarque en effet que les visages ne sont pas statiques, certains disparaissent plus vite que d'autres, et ils changent parfois d'expression, comme lorsqu'on essaye de les effacer, comme s'ils devenaient tristes. Alors, bien évidemment, l'histoire est étayée par de très nombreuses photos, hein, qui sont assez troublantes, puisque quand on les voit, donc, on est obligé d'admettre qu'il s'agit bien de visages et non pas de formes qui pourraient vaguement évoquer des visages. Alors, de nombreuses expertises sont menées pour trouver la supercherie, mais sans succès. Et à la demande des enquêteurs, le professeur Germán de Argumosa, la cuisine fut scellée en présence du notaire de la ville. On prend des photos des visages, on les recouvre avec une couverture, mais 3 mois plus tard, quand la cuisine est ouverte, à nouveau, les visages avaient évolué, ils s'étaient déplacés et d'autres étaient apparus. Alors, plusieurs spécialistes analysent les visages, mais aucun test ne parvient à donner d'explication satisfaisante. On a également enregistré des EVP, hein, donc des phénomènes de voix d'outre-tombe. Des micros sont placés dans la cuisine, des voix sont donc capturées. Au cours des recherches, les enquêteurs apprennent également qu'une famille avait été tuée dans cette maison lors de la guerre civile espagnole. Et en regardant les photos de la famille, des ressemblances assez étonnantes sont trouvées avec certains des visages qui apparaissent sur le sol. Alors aujourd'hui, la maison est toujours visitée par des curieux. Maria Pereira est morte en 2004 hein, et les visages ont continuer à apparaître. Si vous passez à Belmez, en Andalousie, l'adresse est 5 rue Rodriguez Acosta. Et l'histoire numéro 12, donc on va quitter là le monde du paranormal pour rejoindre celui de l'ufologie, mais c'est aussi une très belle histoire, c'est le cas de Trans en Provence. Alors effectivement, on en a déjà parlé ici, notamment avec les émissions spéciales qu'on a pu faire avec Jean-Pierre Petit, Jérôme Frasson de l'association UFO Science. Alors cette histoire démarre le 8 janvier 1981 à 17h à Trans-en-Provence, hein, ça se trouve à quelques kilomètres de Draguignan. Un maçon italien du nom de Renato Nicolai est en train de construire un petit abri en ciment quand tout à coup son attention est attirée par un sifflement. Alors il se retourne et là il voit un engin qui descend vers le sol selon son témoignage sans dégager de flamme. Nicolai se rapproche, il voit l'engin se poser puis redécoller aussitôt. Alors il se trouve à une trentaine de mètres du lieu d'atterrissage à ce moment-là, puis quand il arrive sur place, il voit un cercle d'environ 2 mètres de diamètre avec des traces très étranges au sol. Il décide d'en parler à sa femme, qui elle en parle aux voisins, et l'affaire arrive aux oreilles de la gendarmerie qui se déplace hein, pour en savoir plus. Et dans son témoignage, Nicolai déclare que l'engin avait la forme de deux assiettes renversées l'une contre l'autre, il avait la couleur du plomb et possédait une nervure tout autour de sa circonférence. Sous l'appareil, je cite, « J'ai vu au moment où il se soulevait deux genres de pièces rondes qui pouvaient être des réacteurs ou des pieds. Il y avait aussi deux autres cercles qui ressemblaient à des trappes, les deux réacteurs ou pieds dépassaient légèrement sur 20 cm en dessous de l'appareil. » Alors un voisin gendarme arrive sur les lieux, il prélève de la luzerne, ainsi que de la terre, pour l'envoyer au GEPAN. Le GEPAN, c'est donc le service consacré aux ovnis du Centre National d'Études Spatiales. Ces échantillons arrivent 11 jours plus tard sur la paillasse d'un biologiste de l'INRA, donc l'Institut National de la Recherche Agronomique, et ce scientifique, c'est le professeur Michel Bougnias, dont on a beaucoup parlé ici déjà. Et Bounias fait donc sa thèse sur les traumatismes subis par des végétaux soumis à une forte irradiation, hein, ce qui le place donc dans une position particulièrement adéquate pour analyser la luzerne. Il découvre que leur équipement pigmentaire a été fortement modifié. Ces analyses révèlent un phénomène de grande ampleur sur 10 mètres de diamètre, et au centre, certains composants de la plante ont été détruits à 80%. Alors l'enquête aboutira à une note technique du GEPAN qui dégage les constats suivants. Aucune confusion possible ne permet d'expliquer ce qui s'est passé à Trans-en-Provence. Un objet très lourd s'est effectivement posé. Il y a eu échauffement thermique du sol jusqu'aux 600 degrés. Et surtout, il a été constaté un apport extérieur de différents matériaux, principalement du fer et des phosphates, avec des résidus de combustion. Enfin, l'analyse des végétaux prélevés par l'INRA révèle qu'il y a eu des traumatismes biochimiques. On a en effet découvert en analysant les plantes qu'elles avaient subi d'importantes perturbations, notamment un vieillissement. Alors en 2007, pour terminer, Jean-Jacques Velasco, un des premiers dirigeants du GEPAN, a déclaré au journal L'Express « Cette affaire m'a profondément ébranlé, même 26 ans après, je reste persuadé qu'aucun moyen humain n'a pu provoquer une telle empreinte ». Certains sceptiques défendent au contraire des enquêteurs du GEPAN la thèse du canular, mais le cas de Trans-en-Provence reste un mystère. C'était l'histoire classée numéro 10 par vos votes. Et Thomas, donc, juste après la pause. Oui, ben moi, juste après la pause, j'aborderai Amityville, mais je voulais surtout vous rappeler que si vous voulez participer, interagir un petit peu en direct, vous pouvez nous rejoindre sur MSN, exo7rage, R-A-J-E, @hotmail.fr. Merci Thomas, on marque une pause musicale juste après l'histoire numéro 11. I'll be on my way. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Exocet, la dernière émission spéciale, émission marathon, le top 20 des meilleures histoires depuis les débuts de l'existence d'Exocet. C'est vous qui avez voté, c'est vous qui avez choisi sur le blog de l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez réagir et nous poser vos questions sur MSN, si vous nous écoutez donc sur votre ordinateur, sur le net, hein, sur le site de Rage, rage.fr. L'adresse est la suivante, exocetrage, R-A-J-E, @hotmail.fr, voilà. Alors, on en est à l'histoire qui a été classée numéro 11 dans le top, Amityville, la maison du diable. Une histoire très intéressante et pourtant qui s'est déroulée sur une période relativement courte, puisque là on parle de phénomènes qui sont apparus entre 1974 jusqu'en 1976, au 112 Ocean Avenue à Amityville. Donc si vous passez du côté d'Amityville, il vous suffit de vous rendre au 112 Ocean Avenue pour voir cette fameuse maison. Alors en fait, les faits en fait au début sont relativement simples. Dans la nuit du 12 au 13 novembre 1974, Ronald Jr. Defoe assassine toute sa famille, donc ses parents, ses frères, ses sœurs. Et puis il va aller faire un témoignage assez étonnant, puisque il se dit, et ça c'est pas vérifié par la police, par contre il se dit qu'il aurait quitté son domicile, il aurait couru dans un bar, disant qu'il a retrouvé toute sa famille tuée et qu'il faut absolument faire quelque chose, donc les gens du bar se seraient déplacés. Mais en tout cas, quand la police est arrivée, ce qui était certain, c'est qu'il était seul et que lui seul a appelé la police pour la police. Alors au début, il va apporter un témoignage assez étonnant. Il va commencer à raconter qu'il a entendu... il était parti, et quand il est revenu, toute sa famille avait été assassinée. Alors c'est très étonnant parce que sa famille a été tuée au fusil, à bout portant, les uns après les autres, ça on le sait, d'après les expertises médico-légales. Et c'est vrai qu'on se demande un petit peu comment le tueur, puisque au départ on ne savait pas que c'était lui, comment le tueur a fait pour réussir à assassiner les gens un par un sans que la femme par exemple se lève et puis prévienne son mari ou regarde ce qui est en train de se passer, essaie d'aller sauver ses enfants. Comment est-ce que les enfants n'ont pas entendu non plus? Alors d'après le rapport de police, ça serait les voisins également, comment ça se fait qu'ils n'ont pas entendu les coups de feu? Alors d'après le rapport de police, les choses s'expliqueraient assez simplement. Ronald Jr. avait l'habitude de regarder le soir de façon assez... avec un volume assez élevé, une émission particulièrement violente, où on entendait beaucoup de coups de feu. Les enfants avaient l'habitude aussi de dormir dans une ambiance apparemment où il y avait beaucoup, beaucoup de bruit. Et donc, ils n'auraient pas entendu, tout simplement, pour ces raisons-là. Donc, les voisins pensant que c'est la télévision qui était en train de tourner, les enfants étant habitués à avoir beaucoup de bruit dans la maison. Et puis, au fur et à mesure que les policiers vont interroger Ronald Jr., il va finir par craquer et dire qu'effectivement, c'est lui qui les a tués, qu'il n'est pas revenu dans la maison au milieu de la nuit et qu'il s'est pas aperçu que sa famille avait été tuée, mais que tout simplement, c'est lui qui les avait tués. Alors, plus tard, il reviendra sur ses déclarations en disant que c'est la police qui lui a mis la pression. Mais en tout cas, Ronald Jr. va être condamné pour le meurtre de sa famille. Et un an après, c'est une famille du nom de Lutz qui va racheter la maison en 1975. Et à partir de là, la maison va prendre un tournant complètement paranormal, puisque eux vont rapporter des témoignages très étonnants de nuées de mouches, de murs sanguinolents, d'apparitions de voix, le mari quasiment sûr d'entendre par exemple un orchestre symphonique dans sa cuisine au milieu de la nuit, de se lever, arriver dans la cuisine et il n'y a pas un seul évidemment orchestre sur place. Bref, plein d'événements paranormaux. Ils vont faire monter en mousse comme ça l'histoire, qui va évidemment avoir le succès qu'on connaît, un film, des bouquins, des analyses, tous les grands maîtres du paranormal qui vont se déplacer sur place pour essayer d'analyser le cas. Et puis on va finir quand même in fine par se rendre compte que cette famille a essayé un petit peu de tirer, alors cette famille manquait un petit peu d'argent, l'affaire du père de famille commençait à péricliter, et on pense aujourd'hui qu'effectivement ils ont voulu faire monter en sauce toute cette histoire paranormale pour essayer de gagner un petit peu d'argent, vendre l'histoire de leur vie, puisque cette maison a été ensuite revendue maintes et maintes fois, et que plus une seule famille qui a vécu dans cette maison n'a ensuite rapporté d'histoires paranormales, alors qu'avant on avait quasiment des démons qui chassaient les prêtres de la maison. Donc c'est vous dire que les choses ont largement évolué depuis. C'était l'histoire numéro 11, hein, donc la 11e du top, l'histoire d'Amityville qui a fait beaucoup parler d'elle et donc qui a été adaptée notamment au cinéma. Et l'histoire que vous avez classée numéro 10, Thomas, c'est celle des EVP, Electronic Voice Phenomenon. Voilà, alors c'est pas tout à fait une histoire, parce que les EVP, c'est, je dirais plutôt, une technique qui a été mise au point par Ernst Senkovski, un chercheur allemand. Donc c'est le nom qu'il a donné à cette science ou technologie ou moyen, en tout cas on va dire. Donc ce Ernst est un physicien quand même assez renommé. Donc c'est le nom qu'il a donné pour les techniques qui permettent de rentrer en contact avec des esprits en utilisant un moyen électronique. Alors ensuite il y a plusieurs variantes dedans, donc on a les EVP qui sont des moyens électroniques qui permettent d'enregistrer du son, on a les TCI qui eux sont des moyens électroniques qui permettent d'enregistrer des images. Alors les TCI ça se passe généralement avec un téléviseur, le plus vieux possible si possible, donc on enregistre bêtement soit une bande d'un magnétoscope sur une chaîne où il n'y a pas d'émission diffusée, et puis après on regarde au ralenti les heures et heures d'enregistrement qu'il y a, et si on a de la chance, effectivement, on voit des choses apparaître, en tout cas pour ceux qui sont convaincus par l'existence de ces TCI. Et au niveau du son, on a un petit peu la même approche. Soit on va dans des lieux réputés pour être hantés ou possédés par des esprits, on pose un magnétophone, et ensuite on va écouter la bande, pareil, au ralenti ou en accéléré, et on va entendre des... on va discerner des sons, en les amplifiant, en les travaillant, on va réussir à en extraire parfois même des bouts de phrases. Alors il y a des EVP assez célèbres, alors la plupart des EVP c'est 99% de foutaise, ou en tout cas de bruit d'ambiance qui certes sont troublants et certes font flipper quand on les écoute, mais qui n'apportent rien de concret. Et ensuite il y a 1% effectivement d'EVP qui eux sont réellement, je dirais, intrigants et dérangeants, où on entend carrément quand même des vraies voix qui font vraiment voix d'outre-tombe s'exprimer clairement en disant des phrases du type « quittez ma maison, sortez d'ici, je vous attendais depuis longtemps », enfin voilà, on a des exemples comme ça de phrases vraiment concrètes qui, elles, sont flippantes. Pareil sur les TCI, on a beaucoup d'enregistrements où, comme sur n'importe quelle tâche, tout le monde arrive à voir Jésus. Là, au niveau du brouillage et du nuage de fumée qui se crée à travers la fumée, tout le monde a l'impression d'avoir vu un visage. On a très peu, pareil, d'enregistrements, je dirais, de suffisamment bonne qualité pour dire, effectivement, là, c'est pas discutable, il y a un visage qui est apparu. Et puis, l'autre point noir quand même à cette technologie, c'est que ça utilise des méthodes d'enregistrement qui sont pas exemptes d'être perturbées par des interférences. On pense notamment à enregistrer la télévision sur une chaîne où il n'y a pas de diffusion, que de temps en temps, il y a des ondes qui arrivent quand même à perturber le signal de cette chaîne où normalement il n'y a rien qui est censé être émis, ne serait pas choquant. Donc il y a beaucoup de gens, par exemple, qui pensent que les visages qui apparaissent viennent tout simplement de diffusions télévisées qui seraient parties et revenues dans l'espace, puisqu'on sait aujourd'hui, par exemple, que les émissions radio qui passent aujourd'hui, vous pourrez les entendre sur Mars dans quelques milliards d'années. Donc on pense que c'est tout simplement, milliers d'années plutôt, c'est plutôt des émissions qui seraient revenues et donc qui réapparaîtraient sur les téléviseurs. Donc en gros, ça serait Dallas qu'on enregistrerait 10 ans après, quoi. C'est un petit peu l'idée. N'en reste pas moins que le sujet est quand même très très flippant et fait poser des questions. Et sur internet, si vous êtes vraiment intéressé, pareil, vous allez trouver des tas de sites qui vont vous indiquer avec des moyens très simples comment fabriquer votre propre matériel d'enregistrement. Donc si vous êtes passionné par le sujet, n'hésitez pas. Merci Thomas. L'histoire qui a été classée numéro 9 dans ce top 20, c'est une histoire qui, moi, me plaît beaucoup et qui a d'ailleurs beaucoup plu aux auditeurs. Elle avait marqué les esprits. C'est la forêt d'Aokigahara, la forêt de la mort. Alors, c'est la forêt d'Aokigahara, exactement, et moi je vais, dans le reste du sujet, l'appeler la forêt, on sera tous d'accord, parce que j'ai un peu de mal avec le mot Aokigahara, donc je vais pas vous le prononcer à chaque fois. Pour ma part, c'est mon histoire sans doute préférée aussi, en tout cas elle est dans mon top 3. C'est effectivement une histoire sur une forêt qui est située au nord-est du mont Fuji au Japon. Une forêt donc qui est entourée de nombreux mythes. Alors d'abord, il faut savoir que géographiquement, cette forêt est très isolée du reste de l'humanité, quelque part. Hein. Elle a grandi sur un ancien flanc de volcan. Et donc, elle a grandi au milieu de la lave. Donc, il n'y a pas d'habitation proche. Et le sol est tellement riche que c'est une forêt à la limite du pénétrable. Hein. On est dans une vraie grosse forêt bien dense. Alors, en plus, elle s'étend sur des hectares et des hectares. Elle est très dense, très noire. Très grande, bref, c'est vraiment une forêt qui est propice déjà à ce qui est des interrogations sur ce qui pourrait se passer dedans. Les arbres sont tellement hauts et le feuillage tellement dru et dense qu'il fait quasiment nuit noire sous les arbres, hein, en permanence. La végétation au sol, du coup, est quasiment inexistante, ou alors c'est des plantes flétries. Donc on est vraiment dans une ambiance déjà un petit peu un petit peu malsaine post-apocalyptique végétale, c'est assez intéressant. Et donc, il y a eu de nombreux, effectivement, phénomènes, alors déjà de nombreuses légendes urbaines, puisque pour les Japonais, cette forêt est possédée par les fantômes depuis toujours, que c'est un lieu quasiment sacré auquel il ne faut pas accéder. Et puis autour de ça, s'est greffé des tas de légendes urbaines, vérifiables plus ou moins. Par exemple, le fait que si on rentre dans cette forêt, on ne peut jamais en sortir, puisqu'il n'est impossible de retrouver son chemin. Alors ça, pour le coup, par exemple, c'est en grosse partie vrai, puisque c'est tellement vérifié d'ailleurs que même les autorités ont posé des panneaux dans la forêt disant attention, si vous pénétrez dans cette forêt, sachez où vous allez parce que c'est pas sûr que vous puissiez retrouver le chemin de la sortie. Personnellement, on vous déconseille d'y aller. En gros, c'est ce que dit le panneau. Attention aussi, il y a aussi de nombreuses vagues de suicides, donc il y a des panneaux qui encouragent à ne pas se suicider dans cette forêt, donc qui disent n'allez pas dans cette forêt pour vous suicider, la vie est belle. Enfin, on tombe vraiment sur des panneaux assez étonnants, en plein milieu des bois, comme ça. Et donc, il y a aussi des tas de légendes urbaines, avec le fait que même si on y va avec un GPS, le GPS n'arrive pas à retrouver les coordonnées, qu'on est obligé de se perdre. Il n'en reste pas moins, quand même, qu'il y a certains événements assez troublants à l'intérieur de cette forêt. Et ces événements ont quand même pris racine à la base avec la sortie d'un livre, un livre qui s'appelle Kuroi Jukai, et donc qui fait l'éloge, en fait, du suicide, et qui décrit cette forêt comme étant l'endroit idéal sur Terre pour mettre fin à ses jours. Donc il y a énormément de gens, et ça se compte par centaines, même peut-être par milliers, parce qu'on ne retrouve pas souvent les corps dans cette forêt. D'ailleurs, de nombreuses personnes qui vont se promener dans les bois tombent régulièrement sur des cadavres, ou bizarrement aussi sur des objets ayant appartenu à des gens qui ont disparu, ou en tout cas qui n'ont pas donné de nouvelles, ou voire même des anonymes. Par exemple, de nombreuses personnes ont trouvé de l'argent sur place, ont trouvé des cartes de crédit, ont trouvé des vêtements, comme si la personne s'était déshabillée et avait disparu au milieu de cette forêt, parce que voilà, beaucoup de gens vont se pendre aux arbres, vont se suicider, vont se faire harakiri au pied des petites collines. Donc voilà, c'est une forêt très très particulière, qui aujourd'hui est le lieu de tous les fantasmes pour les Japonais, et qui revêt un véritable statut de forêt du paranormal, et qui est donc un vrai lieu de culte aussi pour tous les adeptes du suicide. Et donc c'est un lieu qui fait peur aux autorités aujourd'hui, puisqu'elles ont peur qu'il y ait des vagues de suicides collectifs qui se lancent prochainement dans ces forêts, puisque aujourd'hui avec internet, c'est devenu une véritable mode au Japon de quasiment finir ses jours dans cette forêt. Alors ça, je rappelle que cette histoire, elle avait été racontée dans le cadre d'une émission spéciale tourisme qu'on avait faite avec des destinations idéales pour les vacances, hein, donc il y avait le sanatorium de Waverly Hills, notamment la forêt de la mort, donc les conseils sont toujours valables à l'approche de l'été, n'hésitez pas. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions et réagir en direct si vous nous écoutez sur internet, donc par le biais d'MSN. L'adresse de l'émission, c'est exo7rage@hotmail.fr, exo7rage@hotmail.fr. Vous pouvez donc réagir en direct, nous poser toutes les questions que vous voulez. On est à l'écoute, on essaye de répondre, hein, entre deux histoires, on fait ce qu'on peut. On marque à présent une pause musicale et juste après, vous connaîtrez l'histoire classée numéro 8. Street, been a long hot summer. Red light daggers coming down on me. Got a feeling it's too late, but alone together, could be we might start. Dreary, you're not. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Exocet, la dernière émission spéciale qui dure donc 2 heures, un marathon Exocet, rien que pour vous, les 20 meilleures histoires depuis les débuts de l'émission que vous avez choisi, hein, vous avez voté pour ces émissions sur le blog. On en est à l'histoire classée numéro 8. Je vous rappelle juste, avant de vous la raconter, que vous pouvez donc poser vos questions, réagir par le biais d'MSN si vous nous écoutez sur internet, hein, sur le site de Rage, rage.fr. Donc vous pouvez nous poser vos questions sur MSN, l'adresse c'est exocetrage@hotmail.fr. Voilà, vos questions, vos réactions, on les attend. L'histoire numéro 8, c'est l'histoire du manuscrit de Voynich. C'est une énigme, hein, une histoire vraiment troublante, vraiment étonnante, qui mérite sa 8e place. Depuis 5 siècles, le manuscrit de Voynich garde son secret, on ne connaît ni son auteur ni son origine, et aucun cryptographe n'a réussi à déchiffrer un seul mot, ni d'ailleurs une seule lettre, hein, du texte. On ne sait pas en quelle langue il a été écrit. Le manuscrit comprend 204 pages de texte, et presque chaque page contient une illustration, parfois en couleur, hein, des plantes fantastiques, des diagrammes astrologiques, des panoramas assez étranges avec des femmes nues. Mais même si les dessins sont étranges, c'est le texte qui est composé de petites lettres écrites avec soin qui étonne vraiment, il sidère. Il est écrit dans un alphabet totalement inconnu qui n'existe nulle part au monde. Hein. On n'a trouvé aucun autre exemple de l'alphabet qui est utilisé dans le manuscrit de Voynich. Et après des siècles d'études, le plus acharné des cryptographes ni le meilleur des historiens spécialisés donc dans le Moyen-Âge n'a encore réussi à établir ce que ce manuscrit essaye de nous dire. Pourquoi, quand, comment? Alors, en 1912, Wilfried Voynich, qui est un collectionneur de livres anciens, découvre le fameux manuscrit qui prendra son nom dans la bibliothèque de la Villa Mandragore. C'est un collège jésuite près de Rome. Et Voynich l'achète, puis le ramène en Amérique. Alors il en fait parvenir des copies à des spécialistes, des linguistes, des paléographes, des médiévistes, et même des astronomes et des botanistes. Et le manuscrit résiste à toutes les tentatives d'interprétation, de déchiffrement. En 1919, il demande l'aide de William Newbold, qui est un spécialiste du grec, du latin et d'autres langues anciennes. Et pendant 6 ans, Newbold s'acharne. Et il meurt, convaincu d'ailleurs, comme l'empereur Rodolphe II, que l'auteur est Roger Bacon. Alors, Bacon, c'était le scientifique le plus étrange du Moyen-Âge, hein, de la vie des historiens. C'était un moine anglais du XIIIe siècle, un théologien et un savant, qui était le précurseur de la science expérimentale. En fait, c'est un personnage qui est tellement extraordinaire, tellement étonnant, que les spécialistes lui accordent la paternité de tous les manuscrits un petit peu mystérieux, un petit peu avant-gardistes, dont on ne connaît pas les auteurs. Alors, bien avant Léonard de Vinci, par exemple, Roger Bacon avait déjà imaginé des voitures sans chevaux, des bateaux à moteur, des machines volantes. On lui attribue même l'invention de la poudre à canon, mais les dernières recherches montrent que le manuscrit de Voynich a été écrit vers 1500, donc 2 siècles après la mort de Bacon. On peut imaginer éventuellement une copie d'un manuscrit de Bacon, mais bon, c'est vrai qu'à 2 siècles près, quand même, ça colle pas. Alors, concernant les dessins, sur les 400 dessins botaniques, seules 16 plantes ont été identifiées, et étrangement, certains dessins ressemblent à des sections minuscules d'organismes végétaux, comme si l'auteur les avait observés à travers un microscope, lequel n'a été inventé qu'au 16e siècle, non pardon, il n'a pas été inventé avant le 16e siècle, le microscope. Donc il n'y a aucune explication pour tous ces schémas qui semblent être des schémas de coupe microscopique. Pas d'explication non plus pour toutes les femmes. Il n'y a aucun homme représenté. Toutes les femmes nues qui apparaissent dans des cercles, dans un schéma bizarre, des cercles concentriques. Le manuscrit demeure donc une énigme pour les historiens et les cryptographes, et il est devenu une source d'inspiration pour le cinéma et la littérature. Et l'histoire numéro 7. C'est l'histoire de Tunguska, donc celle que vous avez lue en numéro 7. Une bien belle histoire aussi à base de paranormal, d'ovni, de plein de choses. Donc plutôt sympathique. On a quand même trouvé une explication, hein, donc bah vous, oui. Allez le savoir, vous allez le découvrir à la fin. Le 30 juin 1908, il y a déjà un siècle, mine de rien, il y a plus d'un siècle, hein, une explosion d'origine inconnue anéantit littéralement la forêt sibérienne sur un rayon de plus de 20 km. et un certain Sergueï Semenov qui habitait le village de Vanarava, qui est situé à 60 km du lieu d'impact, raconta avoir aperçu juste avant l'explosion un objet énorme et étincelant, gros comme la moitié du soleil, fendre le ciel à la vitesse de l'éclair. Donc c'était son témoignage. D'autres témoins ont également affirmé avoir vu s'élever un énorme champignon de fumée noire qui coupait le ciel en deux littéralement. Alors la Tunguska, c'est une région parmi les plus hostiles de la Sibérie. Elle comptait encore moins d'habitants à l'époque que de nos jours, évidemment. Et autant les dégâts matériels furent absolument énormes, autant on ne déplora que quelques blessés et quelques brûlés, hein, dû à la très faible démographie, et on peut parler d'un authentique miracle. Alors à 22 km au nord de Vanarava, les nomades des tribus Tunguz, qui transhumaient dans les forêts, pensaient que la fin du monde était arrivée. Pour eux, ça y est, c'était terminé, c'était l'apocalypse. Leurs huttes ont été arrachées au sol, bien sûr, comme des fétus de paille. Et puis, évidemment, ils ont perdu des milliers de leur reine qui ont été gravement brûlées. Alors ce jour-là, la déflagration est tellement énorme à Tunguska qu'on l'entend à 1500 km à la ronde jusqu'au cercle arctique. Donc évidemment, c'est ténu hein, comme son, mais donc il peut être capté. Alors, il y a des secousses sismiques qui se déclenchent par vagues dans le monde entier, mais également des phénomènes lumineux absolument incroyables qui se produisent en Europe. Alors par exemple, la nuit ne se couche pas ce jour-là dans la région de Tunguska, et elle ne se couche pas non plus, ou presque, dans toute l'Europe. Donc pendant plusieurs semaines, les Européens auront droit à des nuits d'une blancheur absolument incroyable. Donc 5 heures après l'explosion de la Tunguska, la Grande-Bretagne est éblouie par un coucher de soleil étincelant, et le très sérieux Times relata d'ailleurs l'événement en disant que la nuit était si claire que les Londoniens pouvaient lire leur journal dans la rue à minuit sans avoir recours à l'éclairage public. Il faut préciser quand même qu'on parle d'une explosion 1000 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima, donc c'est quand même assez colossal. Alors, l'éloignement de la région et les troubles en Russie n'ont permis une étude sur place qu'à partir de 1927, donc quasi une bonne vingtaine d'années après. Et sur les lieux, les scientifiques découvrent absolument sidérés qu'il n'y a ni cratère, comme ils l'avaient imaginé, ni traces d'impact, ni débris. C'est absolument incroyable quand on pense à la puissance de l'impact. Alors les hypothèses évidemment se mettent à aller bon train, on pense à une météorite d'antimatière qui aurait littéralement absorbé tout ça autour d'elle sans faire d'impact, sans faire de traces. On parle d'un mini trou noir, on parle également d'un essai secret d'une arme surpuissante, jusqu'en 1993 où une équipe américaine découvre que l'explosion provient d'une petite comète composée de gaz gelé qui avait fondu et explosé entre 6 et 9 km d'altitude. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'impact, mm-hmm. c'est que la comète, l'objet, a explosé en l'air, et donc c'est le souffle qui a littéralement donc anéanti tous les arbres en dessous. Et cela dit, heureusement d'ailleurs. Tout à fait, et les caractéristiques de cet objet ont d'abord été estimées aux alentours de 500 mètres de diamètre et 10 millions de tonnes avant qu'une nouvelle simulation qui a été présentée en 2007 par les laboratoires Sandia ne réduise l'estimation du poids de la comète de Tunguska à 62 000 tonnes. Alors, je parle de comète, il faut savoir que les scientifiques ne sont pas encore totalement fixés, comète, astéroïde, on n'est pas sûr de la nature cosmique de l'objet, mm-hmm. Et sur l'événement, il faut savoir qu'il y a toujours débat entre spécialistes, donc l'hypothèse de la comète, c'est celle qui est la plus vraisemblable, celle qui est retenue. Mais certains pensent que le lac Tcheko, qui se trouve donc dans la région de Tunguska, et qui était inconnu avant 1908, pourrait être un cratère créé par un morceau de la comète. Donc le débat continue, plus d'un siècle après l'événement, et on ne peut qu'imaginer bien évidemment quels auraient été les désastres si cet objet avait décidé de s'écraser dans une zone habitée en Europe. Ça aurait été absolument catastrophique. Alors, la dernière histoire avant de rentrer dans le top 5, donc la sixième histoire de votre choix, c'est sur les objets impossibles. Alors, les objets impossibles, ou Oupart, on en a parlé dans cette même émission il y a quelques semaines. L'histoire a gagné à la force du poignet la place numéro 6. C'est bien, c'est une belle chose. Donc, Oupart, c'est un sigle pour Out of Place Artifact, ce qui veut dire littéralement objet fabriqué hors de place. Donc, c'est un terme qui a été inventé par un zoologiste américain du nom de Ivan Sanderson pour désigner un objet qui ne se trouve pas là où il est censé se trouver quand on le découvre. Alors, soit parce qu'il n'appartient pas à la bonne époque, soit parce qu'il n'est pas dans la zone géographique qui lui correspond. Alors, parmi ces pièces, on trouve par exemple des clous enfermés dans des morceaux de roche plusieurs fois millénaires, donc ce qui est absolument impossible, une chaîne en or retrouvée à l'intérieur d'un bout de charbon, ou encore des artefacts capturés dans des blocs âgés de plusieurs millions d'années. Ces Ouparts donc sont présents dans le monde entier. Ils suscitent souvent la controverse, puisque donc de nombreux Ouparts sont considérés comme des canulars. Donc d'ailleurs, la chaîne retrouvée dans un bout de charbon, on a pu plus ou moins élucider l'affaire plus tard, mais de nombreux cas restent totalement mystérieux. Et il y a des histoires qui sont devenues célèbres autour de ces Ouparts, en particulier celle des pierres d'Ica, que Thomas avait relaté dans cette même émission. Les pierres d'Ica, c'est une collection de pierres qui aurait été prétendument découvertes dans une caverne près d'Ica au Pérou. Et sur la surface de ces pierres, ce sont des pierres d'andésite, on a gravé des images qui remettraient en question, pour tout ce qu'on sait, hein, sur l'origine des espèces. Alors par exemple, quelques-unes de ces pierres montrent des hommes qui ressemblent à des Mayas ou des Aztèques dans la représentation, en train d'attaquer des dinosaures à coups de hache. On voit également des opérations à cœur ouvert avec des instruments qui semblent être chirurgicaux. On voit des hommes observer des choses à la loupe. Alors que donc ces pierres sont censées être plusieurs fois millénaires. Et les pierres d'Ica donc sont devenues célèbres en 1996, grâce à un certain docteur Javier Cabrera d'Arkea, qui est un médecin péruvien, donc qui prétend avoir abandonné sa carrière à Lima pour ouvrir le musée des pierres gravées, au village d'Ica même, où il s'est mis carrément à exposer sa propre collection de plusieurs milliers d'exemplaires. On parle de plus de 30 000 pierres. Alors le docteur Cabrera prétend qu'un paysan les a découvertes dans une caverne. Or, ce paysan que la police a arrêté parce qu'il vendait ses pierres aux touristes a raconté aux autorités qu'il ne les avait pas trouvées dans des cavernes, donc il ne les avait pas pillées au patrimoine culturel, mais il les avait fait lui-même. Alors, à partir de là, on peut immédiatement donc relayer cette histoire au rang des supercheries, mais pour le docteur Cabrera, c'est impossible, ces pierres ne peuvent pas être l'œuvre d'un seul homme, et on pense bien évidemment que le paysan aurait dit ça pour ne pas être accusé donc de pillage de patrimoine culturel, quoi. Donc, étant donné qu'on ne peut pas dater les pierres d'Ica, faute de matière organique, la controverse dure encore aujourd'hui, et ça reste un mystère assez troublant. Alors, certains Ouparts sont permis d'affiner nos connaissances historiques, comme le mécanisme d'Anticitère, qui est une sorte de machine de plus de 2000 ans, découverte au large des îles grecques, et qui a d'abord été considérée comme une anomalie, et elle a ensuite permis de comprendre que les connaissances scientifiques antiques étaient plus avancées qu'on ne croyait, donc ils avaient les capacités de créer des engrenages aussi complexes que ce mécanisme d'Anticitère. D'autres Ouparts conservent une part de mystère, comme par exemple la carte de Piri Reis, qui est une carte ancienne, découverte en 1929 à Istanbul. Donc elle est attribuée à un amiral ottoman du nom de Piri Reis, qu'il aurait dessiné en 1513. La carte est tracée sur une peau de gazelle, elle détaille les côtes occidentales de l'Afrique et les côtes orientales de l'Amérique du Sud. Et cette carte de Piri Reis, il faut le savoir, n'est qu'un morceau d'une carte plus grande qui représente le monde connu à l'époque, donc en 1513. Et donc on a perdu définitivement le reste de la carte, enfin jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Alors l'une des caractéristiques de cette carte, c'est qu'on peut y voir une côte connectée à la zone sud de l'Amérique du Sud, à la zone australe de l'Amérique du Sud, dont certains disent qu'elle ressemble à la côte de l'Antarctique, et ce continent n'a été découvert qu'en 1818, soit 300 ans après la création de la carte. Et donc, à cause de cette anomalie, la carte a donné lieu à des théories totalement exubérantes. Alors certains, y voyant la preuve de l'existence du continent perdu de Mu, qui fait partie de ces continents mythiques à l'instar de l'Atlantide, d'autres prétendent qu'elle n'aurait pu être tracée qu'à partir d'un engin volant, donc ils y voient la preuve d'une intelligence extraterrestre, hein, qui aurait livré cette carte à l'humanité. Bref, donc ça part un petit peu dans tous les sens, mais on a... on a pu déterminer qu'à une certaine époque, donc, pour contrebalancer l'hémisphère nord, les cartographes imaginaient un continent au sud, un continent imaginaire qu'ils supposaient exister. Comme une contrebalance au, voilà, au continent du nord. Voilà, ils se disaient qu'il ne peut pas y avoir autant de continents dans le nord sans rien dans le sud, donc ils imaginaient ce continent invisible, et donc il se pourrait très bien en fait, que le continent qui apparaît sur la carte de Beery Race ne soit qu'une représentation de ce fameux continent invisible. Voilà. On marque encore une petite pause musicale, c'était l'histoire classée numéro 6. Hey. Juste après la pause, le Thomas vous parlera de l'histoire numéro 5, restez avec nous. Exocet, la dernière émission spéciale de 2 heures, c'est un top 20 et on en est au classement de l'émission numéro 5, de l'histoire numéro 5, excusez-moi. Numéro 5, ouais. Et c'est Thomas qui va vous la narrer cette histoire que j'avais eu le plaisir de vous raconter dans un Exocet précédent, c'est l'histoire Ça me fait plaisir de te l'avouer. Ah mais oui, c'est l'histoire des radios de nombre. Oui, les radios de nombre, ces radios mystérieuses. Alors, les radios de nombre déjà n'ont pas une existence très très ancienne, puisque la première radio de nombre est apparue après la Première Guerre mondiale, et encore aujourd'hui les radios de nombre ont une origine inconnue. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que ces radios de nombre? En gros, c'est des radios que vous pouvez capter quand vous mettez sur les hautes fréquences, hein, en radio AM, chose que les gens ne font plus beaucoup aujourd'hui, mais donc c'est ces hautes fréquences qui permettent en gros, à partir d'un émetteur, de propager du son partout dans le monde, hein, puisque c'est des très hautes fréquences, donc ça passe sans problème les différents obstacles, et donc c'est exclusivement ces radios déversées sur ce type de fréquences-là, et tout un chacun peut les capter avec sa propre radio, il suffit de connaître un petit peu les fréquences, d'ailleurs, je le dis quasiment à chaque histoire, mais vous pouvez en trouver certaines sur internet si vous cherchez un petit peu, et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, donc, ces radios restent inconnues, et par qui est le destinataire, et par qui est l'émetteur, et surtout quel est le contenu, puisque la plupart de ces radios se contentent généralement d'envoyer des codes en pseudo-morse mais indéchiffrable, enfin des choses qui ressemblent à du morse, ou des suites de nombres chantées par, par exemple, des petites filles qui vont, sur un ton un petit peu enfantin, dire 1, 6, 6, 7, 8, 8, pendant une dizaine de minutes. Alors, il faut savoir quand même que ces radios de nombres ont quand même des schémas qui sont les mêmes à chaque fois, c'est-à-dire que le début des émissions commence systématiquement à l'heure pile ou à la demi, et quand elle commence, il y a toujours quelque chose qui annonce le début de l'émission. Alors, pour certaines radios, ça va par exemple être un message qui va faire « attention, attention » en espagnol. Ça va être, pour certaines radios, de la musique. On a beaucoup de Wagner, par exemple, qui annonce le début de la diffusion de la radio de nombre. Ou alors, tout simplement, des petites musiques. Il y a toujours un petit signal qui est divulgué avant que la réelle émission commence. Et puis là, après, pendant une période X, quelques minutes, dizaines, vingtaines, trentaines, c'est un flot incessant de messages qui ont l'air complètement codés. Donc, je vous le disais tout à l'heure, voilà, soit des suites de nombres, soit des suites de lettres, voire même parfois aussi tout simplement des suites de Echo, Charlie, Delta. Voilà, donc ça a l'air parfaitement codé, c'est absolument indéchiffrable, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert, nous, communs des mortels. Des suites de chiffres, hein, attention, c'est pas Echo, Charlie, Delta, hein, faut quand même le préciser, c'est donc des suites de chiffres. C'est des chiffres aléatoires dans toutes les langues. Dans toutes les langues qui existent, et même peut-être qui n'existent pas, et à chaque fois, donc, ces émissions se termine avec, avec un propos dans la langue qu'on pense être d'origine de celle de l'émetteur. Donc parfois c'est en français, parfois c'est en espagnol, ou en allemand, ou américain. Un message qui dit « c'est fini » et là l'émission s'arrête pendant une période X et reprend, on ne sait pas non plus vraiment quand, parce que là aussi c'est très très fluctuant. Alors, plusieurs hypothèses quand même derrière ces radios de nombre. Certains pensent que c'est tout simplement un moyen qui permet de communiquer avec les espions, tout simplement. Donc quand on a des émissions, des espions sous couverture dans un pays étranger, ben, on leur envoie des messages codés par le biais de ces radios, eux peuvent les intercepter, et comme le message est parfaitement indéchiffrable, eh bien, eux, ils sont assurés, leur sécurité est assurée, et ils peuvent capter ces émissions, parce que c'est le gros intérêt de ces fréquences partout où ils sont, même s'ils sont au milieu du désert, du Sahara, ils peuvent capter avec un simple poste radio ces émissions, donc avoir les informations qui tombent de leur agence directement. Certains ont remarqué, donc certaines personnes qui ont étudié ces radios de nombre ont quand même remarqué que l'activité pouvait varier en fonction des événements de l'histoire. Alors par exemple, apparemment, il apparaîtrait que par exemple pour l'assassinat de Kennedy, il y aurait eu une forte activité de radio de nombre à ce moment-là, pile poil quasiment à l'heure dite, une forte activité de radio de nombre. Alors ça reste à prouver, mais effectivement si c'est le cas, on rejoint un petit peu cette idée d'espionnage, d'agents secrets. Pour certains, c'est tout simplement des dealers qui utilisent les radios de nombre pour communiquer avec leurs bateaux qu'ils envoient à distance, des messages codés qui sont là aussi pour le coup, on peut pas les capter, on peut pas savoir quel est l'émetteur, donc c'est très intéressant pour eux. Il faut savoir quand même aujourd'hui en Angleterre, par exemple, il est formellement interdit par la loi d'écouter des radios de nombre sur sa radio. On peut être puni par la loi si on écoute des radios de nombre, donc c'est quand même qu'il y a quelque chose derrière. Et puis, donc, aujourd'hui, certaines radios de nombre sont devenues des références. On a notamment Radio Attention, celle que je vous disais tout à l'heure, qui donc commence toutes ses émissions avec Attention, Attention en espagnol. Donc on pensait que c'était une radio cubaine à la base, mais les Cubains ont démenti. Bref, aujourd'hui, le mystère autour des radios de nombre reste entier. Même si certaines radios de nombre ont prouvé leur existence effectivement dans l'espionnage, on pense notamment à des radios de nombre russes. Les Russes ont avoué effectivement avoir utilisé pendant la guerre froide plus de 500 kilowatts d'émetteurs pour divulguer des messages à travers la planète. Alors, le truc c'est que certaines de ces radios sont particulièrement effrayantes. Ah, c'est particulièrement effrayant. En raison des voix désincarnées qu'on peut y entendre. Il y en a certaines qui sont devenues célèbres, c'est la Swedish Rhapsody notamment, ouais. Qui démarre par une petite comptine d'enfants, et on entend une voix d'enfant, manifestement une voix synthétique d'enfant qui égrène des chiffres. Et donc voilà, certaines de ces radios font froid dans le dos, parce que les protagonistes qu'il y a derrière ne sont pas des animateurs sympathiques. Voilà, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce que ça signifie, et puis certaines ne serait-ce que par leur forme même, par leur nature même, font froid dans le dos effectivement. C'est clair. L'histoire que vous avez classée numéro 4, c'est l'affaire méconnue pourtant, mais assez fascinante, de Vargina. Vargina, qui sera peut-être le futur Roswell, on ne sait pas. En tout cas, l'histoire de Vargina est particulièrement passionnante, effectivement. Donc ça a débuté en fait en 1997, donc c'est pas si vieux que ça, ça a une dizaine d'années, en avril. Donc ça s'est passé au Brésil, à Vargina. Plusieurs personnes ont été témoins, donc d'après leurs propos, d'un crash d'OVNI. Donc ces personnes vont prévenir tout de suite les autorités, et sur place, des pompiers municipaux et ensuite l'armée vont se déplacer et s'interposer et faire en sorte que le périmètre soit entièrement bloqué et inaccessible à la population. Et puis, dans les jours qui vont suivre, les choses vont devenir très très curieuses dans cette ville de Vargina, puisque de nombreux témoins, et là on parle de centaines de témoins, vont voir des extraterrestres se balader dans la ville, des extraterrestres en train de chercher des planques ou en train d'essayer de s'enfuir. En tout cas, eux les décrivent comme des humanoïdes, certes, c'est clair, mais d'aucune espèce connue. Et donc, voilà, des centaines de témoins vont les voir se cacher dans les poubelles. Enfin, ça a dû vraiment être une situation très très étonnante. Alors, l'armée va réagir tout de suite et il va y avoir au sein de Vargina une véritable traque à l'alien opérée par l'armée et par des agents civils qui vont, d'après toujours les témoins sur place, essayer de shooter les aliens, les buter littéralement dans la rue. Certains aliens même vont être blessés, certains témoins vont aller très loin, dire que eux, ils ont recueilli ces aliens pour les soigner chez eux, etc. Donc là, je pense qu'on rentre dans la fabulation. Mais voilà, donc dans le village, il y a eu une véritable empreinte ufologique qui s'est emparée du village. Et voilà, de nombreuses personnes ont témoigné avoir vu donc des extraterrestres se balader, essayer de se planquer et fuir l'armée. Alors, il faut savoir quand même que derrière cette histoire, il y a des sources qui sont très très fiables. On a notamment le témoignage d'un chirurgien qui a été le premier chirurgien à autopsier un de ces extraterrestres qu'on a ramené à l'hôpital de la ville après qu'il aurait été tué par l'armée. Donc l'armée lui a ramené sur place et il aurait opéré. Et donc il va commencer à relater cette histoire-là avec le crédit qu'il a lui en tant que chirurgien pour raconter cette histoire. Et là les événements vont faire grand bruit. Et donc en 97, les médias aux États-Unis, en Amérique du Sud vont s'emparer largement de l'affaire. Et donc les scientifiques vont même quasiment être accusés d'avoir participé à des autopsies illégales d'extraterrestres. Et donc ces scientifiques, qui sont quand même au nombre d'une quinzaine, accusés par les médias d'avoir participé à cette autopsie, on finit par dire « Excusez-moi, mais... Enfin, excusez-nous, mais effectivement, on a fait des choses, mais on peut pas en parler avant plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, c'est trop tôt. Ce qu'on a vécu, si on en parle, on risque notre vie. » Puisqu'apparemment, d'après donc toujours ces témoins, d'après ces scientifiques, l'armée aurait fait une très très forte pression sur le village en question, leur disant que si le moindre bruit sortait, c'était leur vie qui risquait. Certains ont été payés pour ne pas raconter, et ils le disent par la suite, voilà, moi j'ai reçu de l'argent. Effectivement, quand on consulte leur compte en banque, on s'aperçoit qu'ils ont reçu de l'argent, c'est clair. Et donc voilà, il y a quand même aujourd'hui encore une quinzaine de témoins qui veulent parler, et qui acceptent de parler malgré les risques qu'ils encourent. Et donc qui essayent de donner leur version de l'histoire, qui jusqu'à l'heure d'aujourd'hui reste quand même un véritable mystère, parce que même si elle peut paraître au premier abord ridicule, elle concerne quand même là des centaines et des centaines de personnes, un village entier, et on se demande comment est-ce qu'un village pourrait mentir à ce point-là dans sa globalité. L'affaire Vargina, c'était l'histoire numéro 4 dans votre top 20, et l'affaire Vargina est considérée comme le Roswell brésilien. Alors, la transition est toute trouvée, oui. Oui, voilà, tu voulais faire transition sur Roswell, mais juste je voulais préciser un petit truc qui est amusant. Pour ceux qui nous ont écoutés auparavant, on avait parlé du Chupacabra. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que le Chupacabra en fait serait donc un de ces extraterrestres de Vargina qui serait en train de survivre dans la forêt et donc qui serait obligé d'assassiner des animaux et des êtres humains pour pouvoir se nourrir. Ce qu'on appelle un mythe agglutinant, voilà, c'est-à-dire une histoire qui ramène à elle plusieurs autres légendes, ovnis, etc. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, l'affaire Vargina est considérée comme le Roswell brésilien. Il était donc tout naturel de placer juste après le Roswell original, numéro 3, Thomas, l'affaire Roswell. L'affaire Roswell, donc elle déjà qui est beaucoup, beaucoup plus connue. L'affaire Roswell débute le 2 juillet 47, quand un certain William Brazel est dans son ranch au Nouveau-Mexique et voit une grande explosion. Donc sur le moment, il ne s'interroge pas trop, mais le lendemain, il décide d'aller explorer un petit peu la zone et il va constater que de nombreux débris sont sur place. Alors il va en récolter quelques-uns et le 6 juillet, il va carrément ramener le shérif du comté sur place, George Wilcox, pour lui soumettre ce qu'il vient de trouver, sur quoi est-ce qu'il vient de tomber. Et donc ce George Wilcox, dans l'exercice de ses fonctions, va immédiatement évidemment avertir la base militaire la plus proche, la base militaire de Roswell, évidemment, d'où le nom de cet extraterrestre. Et donc là, les choses vont s'enchaîner très rapidement. Le 7 juillet, deux militaires vont être dépêchés et vont être donc obligés de se rendre sur place pour constater les dégâts, essayer d'analyser le crash. Ils vont arriver sur place. Et donc effectivement, ils vont retrouver ces débris, ils vont en ramener à la base militaire. Les débris vont être étudiés la nuit même dans la base militaire de Roswell. Et le 8 juillet, le colonel de la base va tout simplement faire boucler le périmètre du crash. Donc il va empêcher aux civils d'accéder au périmètre du crash, sous des raisons plus ou moins fallacieuses, prétextant que c'est pour leur sécurité. Et là, il va se passer donc le 8 juillet quelque chose de très intéressant, c'est qu'un porte-parole officiel, le porte-parole officiel de la base militaire de Roswell, va donc faire une déclaration à la presse. Il va faire cette déclaration, il va dire « Nous sommes en possession de débris d'un engin extraterrestre ». Et ça, il va le dire le 8 juillet, mais il va le dire que pour quelques heures, parce que une ou deux heures après, un démenti de la Maison Blanche va tomber immédiatement, disant que ce ne sont pas des débris extraterrestres, mais que ce sont des débris d'un ballon sonde, donc la fameuse histoire du ballon sonde. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un crash d'OVNI, on dit que c'est un ballon sonde, voilà, ben c'est là l'origine, c'est Roswell. Ouais. Donc le démenti, quelques heures après, donc là, on est effectivement dans un cas intéressant, avec un officiel de la base, hein, c'est pas n'importe qui affirme, lui, être tombé sur des débris extraterrestres, et un démenti qui a l'air plutôt curieux et mal placé une heure après, de la Maison Blanche, qui a même pas pris la peine d'étudier les débris, qui dit non, c'est un ballon sonde. Donc voilà, on est face quand même à un cas assez intéressant. Mais bizarrement, la presse va se contenter de cette explication. D'ailleurs, certains y voient aussi un complot entre la presse et le gouvernement américain, parce qu'effectivement, la presse serait contentée de cette version de ballon sonde. Mais les gens qui ont entendu parler de cette histoire vont continuer à enquêter, et pas les plus petits. Il va y avoir de nombreux scientifiques, des gens de renom, si bien qu'en 1994, suite aux différentes enquêtes, le Congrès va être obligé de demander une véritable enquête officielle au sein de l'armée. Et là, en fait, ce qui va ressortir, et qui, effectivement, pourrait être une bonne explication au fait qu'ils aient menti à la base, c'est que les débris retrouvés, effectivement, viennent bien d'un ballon sonde, mais un ballon sonde qui serait un projet top secret, appelé le projet Mogul. Et donc, en fait, c'était un ballon sonde expérimental qui aurait permis, à l'époque de la guerre froide, en l'envoyant à très haute altitude, de capter les émissions et les réceptions, de filmer de l'autre côté du rideau de fer, en fait, tout simplement. Et donc voilà, c'était un projet top secret qui se serait écrasé, d'où le fait que la Maison Blanche ait prétexté que c'était un ballon sonde, même si c'était plus que ça, mais comme là il y avait un secret défense derrière, ils auraient menti. Reste ce point quand même légèrement troublant de l'officiel de la base, qui annonce lui clairement, sans le moindre doute, après expertise des objets, qui sont en présence d'un objet extraterrestre. Donc c'est vrai que ça laisse poser des questions. Et puis finalement, en 95, il va y avoir la sortie du fameux film de l'autopsie de l'extraterrestre de Roswell, qui va mettre une fin définitive. Qui a rendu célèbre l'histoire, en tout bien cas, sûr. Chez les non-initiés, pour le grand public. Quoi, voilà. Bien sûr, voilà. Avec sa diffusion mondiale, et on s'en souvient en France aussi, dans l'émission de Jacques Pradel. Et d'ailleurs, la vidéo a coûté sa carrière à Jacques Pradel, hein, puisqu'il a, il a présenté Pradel comme authentique, et donc il s'est fait virer peu après. Voilà, donc cette vidéo va démonter complètement l'histoire de Roswell. Et là, évidemment, encore, certains diront que c'était un coup stratégique pour cacher, en fait, la vérité. En décrédibilisant l'histoire, on a tout simplement permis aux gens de détourner le regard de la vérité. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'apparemment... Enfin, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette vidéo est complètement truquée. Ça a été prouvé et reprouvé aujourd'hui des dizaines de fois. Il n'en reste pas moins qu'il y a quand même toujours ce témoignage d'un officiel de la base qui dit « Moi, ce 8 juillet, eh bien, j'étais en présence d'objets extraterrestres. » Merci Thomas, c'était l'histoire classée numéro 3. Il nous reste deux histoires à connaître dans ce classement, dans ce top 20 que vous avez choisi. On marque une dernière pause musicale dans cette émission et juste après, l'histoire numéro 2. Le magazine de l'étrange et de l'insolite. Exocet, la dernière. On arrive au dénouement de cette dernière émission. On arrive au dénouement des deux heures. On a égrené l'une après l'autre les 20 histoires de ce top 20 que vous avez choisi en votant sur le blog de l'émission. On en est à l'histoire numéro 2. Et ce fut une surprise pour nous, puisque je ne savais pas que cette histoire était aussi populaire. C'est clair. Hein, voilà. Mais écoute, ça fait plaisir. C'est une belle histoire. Effectivement, l'histoire numéro 2 est celle de l'expérience Philadelphie. Alors, l'expérience de Philadelphie, dont le nom de code était Projet Rainbow, aurait eu lieu en octobre 1943. Je dis bien aurait eu lieu, hein, puisqu'on est dans le domaine, de la spéculation. Les premières rumeurs concernant l'expérience se diffusent dans les années 50 et l'US Navy, donc la marine américaine, dément aussitôt. Hein. C'est un petit peu comme pour Roswell. L'armée dément immédiatement dès qu'on commence à parler donc d'un événement extraordinaire. Mais par la suite, donc, plusieurs enquêtes sembleraient montrer que quelque chose d'étrange se serait effectivement produit en 1943 au large des côtes américaines. Alors, l'objectif de l'expérience aurait été, notamment, de rendre un bateau invisible. Alors, cette expérience, qui utilisait des champs magnétiques très puissants, était basée sur les théories de grands scientifiques tels que Einstein ou von Neumann. On va jusqu'à dire que Einstein était d'ailleurs impliqué dans l'expérience Philadelphie. Alors, il y a des premiers tests, une première série de tests concluants qui auraient été réalisés par la marine américaine sur un navire sans équipage. Et puis, par la suite, une tentative avec équipage se déroule à Philadelphie, à bord du USS Eldridge, donc un bateau de guerre, et le bateau disparaît soudainement et réapparaît à Norfolk, à des centaines de kilomètres plus loin, pour revenir quelques instants plus tard au point de départ, mais les effets sur les membres de l'équipage auraient été absolument catastrophiques. Des corps se retrouvent en partie fusionnés avec le navire, dans les murs, dans les planchers. D'autres marins seraient morts, d'autres encore ne furent jamais retrouvés ou devinrent complètement fous. Et les survivants auraient eu de graves effets secondaires pendant plusieurs années, comme des soudaines disparitions temporaires, hein, comme des remontées des effets de l'expérience. Et l'opération fut donc abandonnée. Alors ça, c'est la légende. Alors maintenant, ce qu'on sait, hein, c'est qu'il semble exact que la marine ait effectué des expériences en matière d'invisibilité en 1943, mais d'invisibilité au radar. Ce qui veut pas dire que le bateau est invisible. Voilà, donc l'utilisation de champs magnétiques aurait servi à troubler les radars, mais pas à faire disparaître le bateau. Et l'ampleur délirante qu'a pris l'affaire viendrait d'un livre. En 1955, un certain Maurice Jessup publie un livre sur les ovnis, où il parle notamment de l'électromagnétisme, et l'année suivante, un certain Carl Allen se met à écrire des lettres à Jessup, dans lesquelles il lui relate l'expérience de Philadelphie. Donc Allen disait qu'il avait assisté à la disparition du bateau pendant qu'il était à bord d'un navire marchand qui s'appelait le SS Andrew Furuset. Il affirmait également dans ses lettres avoir vu des matelots du Eldridge se dématérialiser au cours d'une bagarre. Et par la suite, Allen a envoyé un exemplaire annoté du livre de Jessup au bureau de la recherche navale à Washington. Alors on a alors convoqué Jessup à Washington, où il a remis les lettres d'Allen et il s'est suicidé, ce Jessup, en 1959. On ne sait absolument pas pourquoi, est-ce que c'est lié ou non à cette histoire, peut-être. Et Allen, quant à lui, a continué d'envoyer des notes étranges à des membres de sa famille pendant quelques années. Mais on n'a pas davantage de sources qui pourraient donc étayer cette légende de l'expérience Philadelphie. On pense qu'effectivement, il y a eu des expériences. Mais de là à imaginer qu'un bateau aurait disparu, il y en a même certains qui prétendent que le bateau serait brièvement apparu en 1983. Donc il aurait fait une bombe de 40 ans dans le futur. De voilà. Bond temporel, voilà, téléportation. Le bateau aurait quitté le fameux continuum espace-temps pour se retrouver en 83 avant de revenir en 1943. D'ailleurs, que les mecs ils étaient zingués à l'intérieur. Tu m'étonnes. Et donc il y a un film qui a été tiré de ce film, hein, de cette histoire. Philadelphia Experiment, donc qui relate la légende en tout ce cas-là de plus délirant. Après, juste quand même une parenthèse sur l'histoire. On peut quand même envisager qu'effectivement, en utilisant des champs électromagnétiques mal maîtrisés à l'époque, c'est possible qu'il y ait quand même des incidences sur les marins du bateau. Ça, on n'en sait trop rien. C'est possible qu'effectivement, d'un point de vue médical, les marins sur place sur le bateau qui a vécu cette expérience électromagnétique, même s'ils n'ont pas fait de voyage spatio-temporel ou qu'ils ne sont pas téléportés, peut-être qu'effectivement, le champ magnétique dégagé était tellement puissant que ça leur a fait subir à eux-mêmes des dommages. Ça, c'est possible par contre. Alors Thomas, l'émission touche à sa fin. Et avec l'histoire numéro 1. On arrive à la première histoire de ce classement, celle que vous avez donc plébiscitée. Vous avez voté en masse et pour en cette masse, histoire. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. En masse. Et je pense que la première place de cette histoire tient au succès d'un certain film. Bah, avec un mec avec un chapeau et un lasso, et c'est un ça fouet, un fouet, absolument. Ah ouais. Vous l'aurez compris, la première histoire du classement, c'est celle des crânes de cristal. Les crânes de cristal dont on a pas mal parlé ici, déjà. Et donc, bon, c'est un petit peu malheureux de devoir finir ce classement sur une histoire qu'on va devoir démystifier, malheureusement. Ouais. Donc Thomas, est-ce que, en deux mots, tu peux nous résumer ce que sont ces fameux crânes de cristal ? Bah alors, l'histoire des crânes de cristal, elle prend sa source à la base avec un explorateur qui va ramener, d'après ses propos, d'un temple maya, si je me trompe pas, un premier crâne de cristal qui va être ensuite soumis à différents tests. Donc lui va le présenter comme une véritable relique, un cas. Cet explorateur s'appelle donc Frédéric Albert Mitchell Hedges. Il est cité dans le fameux dernier Indiana Jones, voilà. Voilà. Et donc il va ramener ce crâne, le présenter comme un authentique crâne de l'époque inca. Et donc c'est vrai que le crâne va attirer un petit peu la curiosité, va être soumis à différentes études. Alors par exemple, il va être soumis au laboratoire HP qui vont essayer d'analyser ce crâne et qui vont ressortir des rapports troublants si effectivement ce crâne date effectivement de l'époque maya, que le crâne ne présente pas de traces d'usinage, qu'il a été fabriqué avec des techniques ultra moderne, que donc évidemment les Incas ne possédaient pas. Et donc tout de suite à cette histoire-là, a découlé évidemment l'histoire aussi des extraterrestres qui seraient probablement derrière et qui auraient donné la technologie. Mais bon, les choses vont s'amplifier et je te laisse continuer sur ce qui en découle. Alors, on a plusieurs crânes de cristal exposés dans des musées. Il y a un crâne à Paris, il y a un crâne au British Museum à Londres, il y a un crâne au Smithsonian Institute à Washington. Et tous ces crânes qui, selon la légende, sont censés appartenir à l'époque de méso-amérindienne, hein, donc aux civilisations aztèques, maya, eh bien ces crânes dateraient du 19e siècle, tout simplement. Alors on parle de faux crânes de cristal, mais en réalité, puisqu'on n'a jamais trouvé de vrais crânes de cristal, quelque part, c'est des vrais. Venant de chez les Mayas ou de chez les Aztèques, on peut considérer que ce sont juste des objets, des artefacts venant du 19e siècle. Et donc, la source principale de ces crânes serait un antiquaire parisien qui s'appelait Eugène Bauban et qui aurait acheté et fabriqué certains de ces crânes de cristal. Et donc, la légende est venue se greffer autour, par la suite. À l'heure actuelle, on n'a jamais trouvé aucun crâne de cristal sur les terres aztèques, mayas. On n'a jamais trouvé un crâne de cristal qui remonte à l'âge d'or de ces civilisations. On est absolument pas en mesure de dire qu'on a affaire à un mythe là. On a juste affaire, on a affaire à des objets de fabrication totalement humaine autour desquels sont venus se greffer des histoires. Mais on fait un faux procès en réalité à ces crânes de cristal qui seraient faux dans les musées. Non, c'est de véritables œuvres d'art. Mais c'est simplement que il y a jamais eu de crâne aztèque ou maya. Alors c'est vrai que la légende qui entoure les crânes de cristal ont promis à ces crânes de nombreuses vertus. Alors il y a des tas de gens fans de New Age qui sont persuadés donc que ces crânes ont un véritable pouvoir sur leur propre santé. Il y a des gens qui sont persuadés que les crânes ont des propriétés en termes de prisme à l'intérieur tout à fait exceptionnelles. Par exemple, si on éclaire le crâne par en dessous, la lumière jaillit des orbites ou des trous du nez ou de la bouche, que la lumière est tellement puissante qu'elle peut mettre le feu à n'importe quoi. Et puis il y a aussi une magnifique quand même légende autour de ces crânes de cristal qui ressemble un petit peu à l'histoire de Dragon Ball Z, hein, faut le dire. Ouais, c'est un petit peu ça, tout à fait. Qui sous-entend que donc il y aurait 9 crânes de cristal, si je ne m'abuse, à travers le monde, dissimulés. Alors en fait, 12 crânes de cristal. J'étais entre 9 et 12, et que donc, une fois que ces 12 crânes, alors il y en aurait peut-être 13 d'après d'autres légendes, enfin on va dire les 13 déjà, crâne voilà, se greffer, le 13e crâne viendrait se greffer, et donc, une fois que ces 12 crânes seraient réunis avec le 13e, qui se grefferait par-dessus, eh bien, un message. L'homme accéderait même à l'essence même de la vie, puisque le secret de la vie lui serait révélé. Un message serait délivré à l'humanité, voilà, absolument. C'est donc un message de la plus haute importance. Et ça permettrait à l'humanité d'éviter la fin du monde qui est programmée selon le calendrier maya en 2012. Voilà, donc il faut se dépêcher de les trouver d'ailleurs. Donc, encore une fois, nous avons affaire. On en a que 8 pour l'instant. Ouais, nous avons affaire à une légende qui aurait été vraisemblablement imaginée au 19e siècle, selon laquelle, dans les civilisations méso-américaines, il y avait des crânes de cristal, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais pu en trouver. Alors, c'est vrai les seuls qu'on a viennent du 19e siècle. C'est ça. Alors c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est le premier crâne de cristal. On se demande un petit peu comment est-ce qu'il est arrivé là. L'hypothèse la plus probable, c'est que donc ce fameux explorateur dont je me souviens plus le nom, Mitchell Hedges, voilà, donc était souvent donc dans ses missions avec sa petite fille, et que ce jour-là serait l'anniversaire de sa petite fille, que pour lui faire une surprise, il aurait caché un des crânes pour qu'elle le découvre et qu'elle ait l'impression d'avoir fait une découverte exceptionnelle, voilà, pour la flatter. Ça peut plus durer, j'avoue, tout, c'est moi. Et donc c'est Mika. C'est en fait moi qui fais les crânes de cristal. Mais désolé, il arrête pas. Donc j'en sans doutais un peu. Il y a MikaCraneDeCristal.org hein, pour en commander. Et donc voilà, pour lui faire plaisir. Et quand il a vu que l'histoire fonctionnait, eh bien, il a pas démenti le truc et il est rentré en fait complètement dans le jeu des gens pour voilà, pour flatter son ego, en fait, tout simplement. Donc il y a quand même une morale. L'histoire numéro 1 de ce top 20 des meilleures histoires d'Exocet repose donc sur une légende, mais elle aurait quand même été lancée par un papa qui voulait faire plaisir à sa fille. Tu vois, comme donc, quoi. Voilà, on finit sur une jolie touche. Cette émission est à présent terminée, c'était la dernière d'Exocet. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis pendant ces quelques années. Hein, chaque semaine, on a essayé de vous étonner, de vous informer et aussi de vous amuser. J'espère qu'on a été à la hauteur, en tout cas on a fait ce qu'on a pu. Je laisse la parole à mon camarade Thomas. Alors moi c'est pareil, c'est la voix un peu chargée d'émotions que je vous dis adieu entre guillemets, parce que bon, on se retrouvera dans d'autres émissions, mais je vous dis adieu pour Exocet. C'était un véritable plaisir. Personnellement, je me suis enrichi énormément à travers toutes les histoires qu'on vous a fait partager, parce que moi-même, j'en ai découvert au fur et à mesure de mes recherches. Je vous remercie de votre participation très active sur le blog, même si j'y suis pas beaucoup, sur le forum également. Je vous remercie de nous écouter, je vous remercie de trouver un intérêt pour ce qu'on fait, et je vous remercie de votre soutien, tout simplement. Je remercie bien sûr Mika, toujours fidèle au poste, véritable mascotte de cette émission. Merci mon ami pour ces quelques années. L'aventure s'arrête sur les ondes, mais continue sur internet, exocet-rage.net. On vous souhaite de bonnes vacances. C'était Exocet, et vous quittez la face cachée du monde pour de bon.